Suarez, donc j'ai 35 ans. J'ai fait un DEA de géographie en 2001. Après, j'ai préparé l'agrégation de géographie, j'étais admissible, j'ai fait l'agrégation. Et après, j'ai travaillé 5 à 6 ans dans le monde associatif, dans le privé, en tant que cadre moyen, chargé d'études qualitatives. Et suite à un licenciement économique en 2009-2010, j'ai eu le projet de recommencer un doctorat et d'essayer de trouver un financement qui soit possible. Et c'est vrai que cette question de financement, j'en viens donc à mes questions, elle est, je dirais, permanente pour les sciences humaines et sociales, et du fait aussi du, peut-être, je ne sais pas s'il y a eu une croissance des allocations de recherche ou des bourses régionales, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'était un questionnement fort. Et donc, moi, j'avais des questions par rapport à ça, dans le sens où ces financements type contrat, est-ce que ça peut être, peut-être de façon peut-être un peu diabolique, une substitution au fait qu'il y ait très peu d'allocations de recherche, très peu de financement pour les thèses? Est-ce que c'est peut-être mieux que justement des contrats, moi j'ai eu une fois un contrat quand j'étais en troisième cycle avec un laboratoire d'équipe d'accueil où finalement, après avoir travaillé un mois sans avoir eu de contrat de travail, etc., on me dit oui, mais finalement, tu n'as pas besoin d'être payé, quoi. Travailler pour nous, c'est un honneur. Donc, finalement, tu travailles voilà, pour la gloire. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent aussi. Et effectivement, je pense que ce n'est pas du tout exceptionnel. Et je ne me plains pas non plus, hein, du tout. Et je voulais dire aussi que travailler en CDD dans le privé pour financer une thèse, ça peut être effectivement, et vous le côtoyez bien, notamment, je ne sais pas votre nom, mais donc, monsieur qui est directeur de recherche. Là, oui. Voilà. En embauchant des docteurs, des docteurs ou des doctorants du Maghreb, qui effectivement sont encore plus dans la précarité que les Européens, il me semble. Et donc travailler en CDD pendant le privé, même à temps partiel, c'est vrai que quand on a une activité de recherche à côté, les gens ne comprennent pas trop et c'est pas un problème quoi, hein, du tout en fait. Hein. Et en CDI, bon, moi j'ai été cadre en CDI, bon effectivement là on n'est pas du tout dans la recherche, on n'a pas plus le temps de faire de la recherche. Hein, on peut travailler très bien, bon après je pense qu'il y a une dichotomie à faire entre Paris et la province, mais effectivement en province on peut très bien travailler 55 heures semaine en étant chargé d'études et gagner moins de 1800 euros net, hein, c'est tout à fait possible, ce qui est à peu près je crois le salaire d'un maître de conférence, donc c'est aussi parfois beaucoup de temps de travail pour un salaire qui est relatif, hein, et un métier qui a aussi un intérêt parfois relatif, même si c'est intéressant. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une très grande question. Et moi, je m'interroge sur la place de ces financements nouveaux, parce que le mouvement des chercheurs en 2004, il demandait plus de postes statutaires, et finalement, ça a un peu abouti à une réponse qui était quasiment inversée, quoi, en fait, hein, la réponse formulée aux états généraux, enfin, après les états généraux de la recherche. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une responsabilité, excusez-moi, j'en termine là. Effectivement, comme vous disiez, des personnes qui sont en place. Moi, quand j'ai fait mon DEA, donc c'était vraiment il y a une dizaine d'années, les professeurs d'université, ils ne nous parlaient pas trop des financements, on leur demandait, mais ils ne voulaient pas trop le dire, ou peut-être qu'ils disaient entre guillemets à leur chouchou. Hein, c'était à l'époque d'avant les écoles doctorales, donc c'était vraiment très très loin. Quoi, et en fait, dans une petite université, l'université moyenne de province, les financements, on ne savait pas trop. Quoi. Peut-être qu'Internet a changé ça aussi, peut-être que maintenant on a plus accès, mais parfois on a un peu l'impression que ça reste une chasse gardée.